Le passage à niveau est à 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. J'ai le temps de passer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.